Chapitre XVI. Adoption de Gaspard. Un jour, M. Ferréor amena à Gaspard un jeune homme de 16 à 17 ans. « Gaspard, dit-il, voici un garçon informé pour t'aider dans ta besogne. Il est intelligent et travailleur. Il nous sera utile dans 2 ou 3 ans d'ici. Tu vas le loger dans la chambre à côté de la tienne pour le surveiller et l'aider dans son travail. » Gaspard. « Oui, monsieur, je ferai de mon mieux. » Quand M. Ferréor fut parti, Gaspard fit voir à André le cabinet qu'il devait occuper et lui dit de ranger ses effets. « Je viendrai vous prendre dans 1 heure pour vous mener dans les ateliers. » Il revint, comme il le lui avait dit, et le trouva assis tristement sur la chaise unique qui meublait sa petite chambre. « Gaspard, qu'avez-vous donc, André? Pourquoi cette tristesse ?»« André, j'ai du chagrin d'avoir quitté mes parents. » « Gaspard, quelle niaiserie! Ah bien! Si M. Ferréor vous voyait pleurer pour cela, il serait content. » « André, je me garderai bien de pleurer devant lui. Je peux bien m'attrister quand je serai seul. » « Gaspard, comme vous voudrez. Seulement, je trouve que c'est bête. » Gaspard l'emmena aux ateliers, qui parurent amuser et intéresser André. Il fit même à Gaspard quelques observations fort intelligentes sur les engrenages et sur la marche des bobines. « Ce garçon a l'esprit de la mécanique, se dit Gaspard. J'en ferai mon profit. » Quand M. Ferréor demanda à Gaspard des nouvelles de son protégé, « Il a l'air bon garçon et intelligent, dit Gaspard. Il faudra seulement qu'il secoue son chagrin. » M. Ferréor, sèchement, « Chagrin? Chagrin d'être entré chez moi ?» Gaspard, souriant, « Que voulez-vous, monsieur? Ce jeune homme a des parents qu'il aime énormément, sans doute, puisqu'il pleure de les avoir quittés, et qu'il me promet de pleurer toutes les fois qu'il sera seul. » M. Ferréor, « Jolie promesse. Qu'est-ce que tu lui as dit, toi ?» Gaspard, souriant, « J'ai dit, monsieur, que c'était bête. Que dire à un garçon de 16 ans qui pleure pour avoir quitté petit père et petite mère ?» M. Ferréor sourit pour toute réponse. « Monsieur Ferréor, qu'a-t-il dit des ateliers ?» Gaspard, « Il les a trouvés superbes, monsieur. Et à propos des ateliers, monsieur, j'ai fait une remarque sur les bobines. Nous pourrions gagner plus de force et user moins d'eau en ajoutant un engrenage. » M. Ferréor, « Où donc? Je ne vois pas où on pourrait en ajouter un. » Gaspard, « Voici, monsieur. » Gaspard lui déroula un dessin de l'engrenage qu'il proposait et dont il avait eu l'idée d'après l'observation d'André. « Monsieur Ferréor, c'est toi qui as fait ça? Ton idée est ma foi très bonne, et nous l'exécuterons. Viens à l'atelier pour voir la chose sur place. » Gaspard, timidement, « Monsieur veut-il me permettre une observation ?» Monsieur Ferréor, « Parle, mon ami, parle sans crainte. » Gaspard, « Que monsieur ne laisse pas voir que l'idée vient de moi. Si monsieur vivait avec les ouvriers comme moi et les entendait causer librement, il verrait combien il est important de leur laisser croire que tout ce qui est bon, utile, vient de monsieur seul. » Et que là où d'autres ne voient pas possibilité de perfectionner, monsieur le voit et le trouve. Que monsieur me pardonne ma hardiesse et veuille bien s'approprier le dessin de l'engrenage. Monsieur Ferréor, je l'accepte, mon ami, et je n'oublierai pas ton avis. Il est bon, et j'en serai plus à l'aise pour causer avec toi de mes idées et pour profiter des tiennes. Gaspard, merci bien, monsieur. En faisant croire qu'il était l'obligé de M. Ferréor, Gaspard avait flatté l'amour-propre de son maître. Il avait gagné dans son estime et sa confiance. Il le suivit à l'atelier. M. Ferréor examina le mécanisme des bobines, trouva l'engrenage proposé par Gaspard utile et intelligent. Il en causa avec les contremaîtres et donna à Gaspard l'ordre d'en faire l'essai. Cette conduite habile de Gaspard augmenta beaucoup la confiance et l'amitié de M. Ferréor. Il le lui témoigna, et Gaspard, de son côté, sentit se développer pour son maître une reconnaissance affectueuse qui le surprit, lui aussi, car depuis bien des années, il n'avait travaillé que pour son propre intérêt, en travaillant pour celui de M. Ferréor. « Est-ce que je l'aimerais tout de bon ?» se demanda-t-il, comme se l'était demandé son maître. « Si je l'aime, c'est tant mieux. Je suis fatigué de vivre pour moi seul et de n'aimer personne. » Sous peu de jours, les bobines furent montées et tous les ouvriers admirèrent le perfectionnement inventé par M. Ferréor. Gaspard se garda bien de raconter à son maître les propos flatteurs des ouvriers, mais il engagea les contremaîtres à les redire. « M. Ferréor vous en saura gré, leur dit-il. Quand on a trouvé du nouveau pour un mécanisme, on est bien aise d'être approuvé par des connaisseurs et on leur en sait gré. » De sorte que les contremaîtres ne se lassaient pas de complimenter M. Ferréor sur son génie mécanique. 3 années se passèrent ainsi. M. Ferréor et Gaspard s'attachaient de plus en plus l'un à l'autre. André continuait à gémir sur sa séparation d'avec ses parents. Son travail s'en ressentait et Gaspard ne perdait pas une occasion pour nuire habilement, sans s'écarter de la vérité, à ce concurrent qu'il redoutait. Il profitait des idées intelligentes mais incomplètes d'André et les présentait à M. Ferréor après les avoir travaillées et perfectionnées. André ne s'en apercevait pas, il n'y pensait plus après en avoir causé avec Gaspard, qui semblait aussi n'en faire aucun cas. Un jour qu'André avait été appelé à l'atelier et que Gaspard travaillait chez lui, le facteur apporta une lettre à l'adresse d'André. Gaspard la reçut et la posa sur la table. Il la donna à André quand il fut de retour. André, après avoir lu, « Une singulière demande que me fait un couvreur de mon pays. Il me dit qu'ayant su que M. Ferréor fabriquait des planches de cuivre, il me demandait de lui en envoyer une demi-douzaine, de grandeurs différentes, comme échantillons pour des toitures. » Gaspard rit avec André de cette bizarre commande. André, « Je m'étonne que M. Ferréor, qui fait tant de placements de cuivre, ne fasse pas des feuilles pour couvreur. » Gaspard, « Ce serait un tout autre travail que celui de nos usines. » On ne travaille pas le cuivre comme de la toile goudronnée. André, c'est dommage qu'on ne puisse pas travailler ça comme de la pâte. Gaspard, comment veux-tu que le cuivre, qui est un métal si dur, se roule comme une toile ou une pâte? André, on pourrait le détirer, comme on fait pour le fil de laiton. Gaspard et André plaisantèrent beaucoup de cette idée. Mais Gaspard, qui avait compris qu'il pouvait y avoir quelque chose de bon à en tirer, poussa beaucoup André à développer sa pensée, tout en riant. Puis Gaspard, voulant la lui faire oublier, lui parla de ses parents, de sa famille, de sorte qu'André ne songea plus aux couvertures au maître que comme à une bêtise impossible. Gaspard y pensa si bien et si longtemps que 2 mois après, il avait un plan de manufacture de cuivre et de zinc malléable et pouvant être roulé comme la toile. M. Ferréor arriva, fit sa tournée, approuva, comme toujours, ce qui s'était fait dans les ateliers de Gaspard et se retira dans son cabinet. Il ne tarda pas à demander Gaspard. Il commença son interrogatoire et fut content des réponses. À sa dernière question, rien de nouveau du reste? Gaspard répondit, si fait, monsieur, il y a du nouveau. J'ai mis à profit quelques anciennes idées de monsieur et voici le résultat. Gaspard plaça devant monsieur Ferréor un plan de fabrique, puis un plan de la mécanique qu'il avait inventé. Enfin, un plan de ses résultats, c'est-à-dire qu'au moyen d'un procédé chimique, il donnait au cuivre et au zinc toute la souplesse de la toile, et qu'on pouvait fabriquer par jour des milliers de mètres de toile zinc ou cuivre. Monsieur Ferréor, qu'est-ce que c'est? Gaspard, une invention nouvelle, une source de gloire et de renommée pour monsieur. De la toile cuivre et zinc. Monsieur fabrique des planches de cuivre et de zinc, et monsieur en fera de la toile à couvreur, sans frais et sans peine, des milliers de mètres par jour, et coûtant peu. Monsieur Ferréor ne put dissimuler sa surprise et son admiration. Plus il examinait, plus sa satisfaction était visible. Pourtant, il n'avait encore rien dit. Quand il eut bien examiné, bien questionné Gaspard, il se leva, le serra dans ses bras, et dit d'une voix émue, « Mon fils !» Jamais personne au monde n'avait vu M. Ferréor ému et cédant à un mouvement de sensibilité. Il reprit son sang-froid et continua. « Tu es mon fils à partir de ce jour. Il y a longtemps que j'y pense. Ta belle découverte me décide. Nos intérêts seront communs et je t'aimerai sans crainte de te perdre. Veux-tu être, mon fils, l'héritier de ma fortune, de par la loi? Tu as près de 25 ans. Tu es maître de décider la question. » « Mon père, répondit Gaspard, employant le genou devant M. Ferréor, je vous aimerai comme le fils le plus dévoué. Je continuerai à vous obéir comme un fidèle serviteur, à vous servir comme un homme formé, instruit par vous, et qui sans vous ne serait rien. Relève-toi, mon fils, et viens me rejoindre ce soir chez le notaire, nous conviendrons de tout. » Gaspard, au comble du bonheur, baisa la main, toujours généreuse pour lui, qui venait de le récompenser si magnifiquement de son service fidèle et dévoué depuis 8 années. Gaspard, entré à 16 ans chez M. Ferréor, en avait 24. « Monsieur Ferréor, va voir ton père et ta mère, mon ami. Va demander leur consentement et reviens de suite. N'oublie pas les ateliers. Gaspard, monsieur peut être tranquille. Tout mon temps sera comme par le passé dévoué à monsieur. » M. Ferréor sourit avec bienveillance et continua sa tournée, interrompue par l'invention de Gaspard. Chapitre 17. Colère du père Thomas. Gaspard courut chez son père, qui était au champ. Sa mère était à la ferme. Gaspard. « Ma mère, je viens vous annoncer une grande et bien heureuse nouvelle. M. Féréor veut m'adopter, et je viens par son ordre vous demander votre consentement. » La mère Thomas fut si surprise qu'elle ne put articuler une parole. Gaspard la regardait en souriant et attendait sa réponse. La mère, « T'adopter ? Devenir le fils de M. Féréor ? Nous renier pour tes parents ? Je ne veux pas, moi. Tu es assez riche par toi-même pour vivre honnêtement, sans avoir les millions de M. Féréor. Je te tiens du bon Dieu, et je ne céderai mes droits à personne. » Gaspard, « Mais ma mère, je resterai tout de même votre fils. C'est pour m'avoir de droit chez lui pour faire ses affaires qu'il m'adopte. » La mère, « Il peut bien te garder sans t'adopter. » Gaspard, « Certainement, mais il en est plus sûr en m'adoptant. » La mère, « Laisse-moi tranquille, je ne veux pas, moi, et je refuse. » Gaspard fut bien prêt de s'emporter, mais, habitué à se vaincre et à se commander, il contint son irritation et dit avec froideur, « Comme vous voudrez, la chose se fera tout de même, mais ce sera plus long, et vous m'aurez fait, ainsi qu'à M. Féréor, une offense grave. Où est mon père ? » La mère, « Au champ, prends garde qu'il ne te reçoive à coups de bâton et qu'il ne te chasse à coups de pied. » Gaspard leva les épaules et sortit, un peu inquiet de la réception que pourrait lui faire son père. Il le trouva en chemin, revenant à la maison. Thomas, « Ah, te voilà enfin. Il y a plus d'un mois que je ne t'ai aperçu. » Gaspard, « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, mon père. M. Féréor, toujours bon et indulgent pour moi, désire m'adopter, et je viens vous demander votre consentement. » Thomas, « Très bien. Tu es en âge de faire à ton idée. Il me restera Lucas, qui a toujours été un bon fils. Quant à toi, tu n'as jamais été ce que je voulais. Voici ta fortune assurée. Tu auras les millions auxquels tu voulais arriver. Adieu, Gaspard. Tu n'as plus besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Va-t'en chez ton Féréor, et moi, je vais m'arranger pour laisser à Lucas toute ma fortune. » Gaspard, « Faites comme vous voudrez, mon père. J'abandonne très volontiers à Lucas mes droits sur votre fortune, et je suis enchanté qu'il profite ainsi des intentions généreuses de M. Féréor. » Le père Thomas s'adoucit devant ces paroles de Gaspard. Il s'attendait à de la résistance, de la colère, et il ne trouvait que douceur et respect. « Thomas, écoute, Gaspard, je ne m'oppose pas à ce que tu te laisses adopter par M. Féréor. Tu le considères comme ton bienfaiteur, sois son fils. Moi, je le regarde comme un voleur qui m'a enlevé le fils que Dieu m'avait donné, et je ne l'aime pas, et je ne veux le voir que lorsque je ne pourrai faire autrement. Va donc rejoindre ton nouveau père, et abandonne pour lui les vieux parents qui ne te sont plus bons à rien. Adieu, Gaspard, va-t'en, ta vue me met en colère. » Gaspard, « Mon père, avant de vous quitter, je demande votre bénédiction. » Thomas, « Je te la donne très volontiers, vis longtemps, sois heureux. Entasse millions sur millions et laisse-nous vivre tranquillement comme de bons paysans, sans t'inquiéter de nous. Va voir ta mère. » Gaspard, « Je l'ai vue, mon père. Elle refuse son consentement. » Thomas, « Elle refuse ? Attends, je la ferai bien consentir. Suis-moi et ne dis rien, quoi que je dise. » Gaspard suivit son père. Ils entrèrent à la ferme. Thomas, « Femme, tu as perdu l'esprit. Pourquoi refuses-tu à Gaspard la permission de nous quitter pour toujours, de choisir un autre père, de vivre à son gré, dans l'or jusqu'au cou, de nous dédaigner, de nous renoncer? Il est indigne d'un regret. Il nous plante là, plante-le aussi, loin de ton cœur et de ton souvenir. » La mère, pleurant, « Je ne peux pas, Thomas, c'est mon fils. » Thomas, « Ton vrai et ton seul fils est Lucas. Gaspard a toujours travaillé à nous quitter. Consens vite et laisse-le aller. » La mère Thomas hésitait. Le père Thomas reprit avec colère, « Donne ton consentement, je te dis, et dépêche-toi. Ah ça, veux-tu avoir une scène bien soignée ? Ce ne sera pas la première fois, tu sais. Vite, dis oui, et que ça finisse. » « Oui, » dit la mère en pleurant. « Va, mon pauvre enfant, et sois heureux. » « Je reviendrai plus souvent que jadis, » dit Gaspard en l'embrassant. « Adieu, ma mère. Je vous aime, vous le savez bien. Adieu, mon père. » « Thomas, adieu, et va-t'en. » À peine fut-il parti que Lucas entra. « Lucas, qu'avez-vous, ma mère ? Vous pleurez ? Et vous, mon père, vous avez l'air contrarié et mécontent. » Thomas, ta mère est une sotte de pleurer, et moi je suis un imbécile d'être contrarié. Qu'est-ce que ça nous fait que Gaspard nous renie ? Il ne nous a déjà pas tant gâté depuis des années. » Lucas, Gaspard ? Qu'a-t-il donc fait ? Est-il venu ? Thomas, oui, il est venu, tout courant, tout joyeux, pour nous dire, sais-tu quoi ? Devine. Lucas, il a gagné de l'argent ? Thomas, oui, beaucoup, mais il y a mieux que ça. Lucas, quoi donc ? Je ne devine pas ? Ah, il se marie ! Thomas, pas du tout, il n'y songe pas. Lucas, mais dites-moi ce que c'est, mon père, je n'y suis pas du tout. Thomas, il a choisi un autre père, Il a trouvé que j'étais trop brute, trop paysan, trop gueux. Lucas. Ah, je comprends. Monsieur Ferréor l'adopte. Thomas. Tout juste. A-t-on vu chose pareille ? Lucas. Ah, bien. Tant mieux pour lui. C'est ce qui peut lui arriver de plus heureux. Thomas. Comment, animal, tu l'approuves ? Tu le trouves heureux ? Lucas. Certainement, mon père. Depuis son enfance, Gaspard a aimé à étudier. Il a désiré entrer dans la mécanique. Vous savez vous-même que malgré vos efforts, il n'a jamais aimé que l'étude, que l'école. Thomas. Ça, c'est vrai. Lucas. À 16 ans, il a la bonne chance d'entrer chez Monsieur Ferréor avec votre consentement. Il y fait son chemin par son application, son intelligence extraordinaire, son zèle, son exactitude, son dévouement à Monsieur Ferréor. Il recueille le fruit de son travail, de sa persévérance. Et vous lui en voulez ? Et vous êtes fâché ? Mon père et ma mère, permettez que je vous dise que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bien. La mère, je crois que tu as raison, mon Lucas. Thomas, tu as été méchant pour Gaspard et pour moi. Thomas, et toi donc, qui ne voulais pas donner ton consentement, que j'ai dû te menacer d'une scène. Lucas, le pauvre Gaspard a dû être bien triste d'avoir été si mal reçu quand il accourait vous apporter une bonne nouvelle, qu'il croyait devoir vous réjouir. Thomas, au fait, ça ne change rien à sa position vis-à-vis de nous. Lucas, et ça lui assure une position superbe et que personne ne peut lui enlever. Thomas, c'est pourtant vrai. Animal que je suis, ce pauvre Gaspard, et quand il m'a demandé ma bénédiction, quelle bénédiction je lui ai donnée, chaque mot était une injure. Que faire, Lucas ? Toi qui as de la raison, conseille-nous. Lucas, voulez-vous que j'aille le féliciter et lui dire que ni vous ni ma mère, vous n'aviez songé que cela ne changeait rien à sa position vis-à-vis de vous, et que vous m'avez chargé tous deux de lui apporter votre bénédiction, mais une vraie bonne bénédiction, bien paternelle, bien maternelle. Ce pauvre Gaspard serait bien content, j'en suis sûr. Thomas, c'est ça, mon Lucas, c'est bien ça. Va vite, et ajoute que je lui fais bien mes excuses, que je me suis conduit comme un misérable, et qu'il a tout à fait raison de préférer Monsieur Ferréor à une brute comme moi. Cours vite, mon garçon, je serai plus tranquille quand il m'aura envoyé son pardon. La mère, tu l'embrasseras pour moi, Lucas. Tu lui diras que je l'aime bien, que je suis contente de son bonheur. Lucas, merci mon père, merci ma mère, je pars. Et Lucas partit en courant. Il arriva tout essoufflé chez Gaspard. Il entra précipitamment et se jeta au cou de son frère qui était debout près de la porte et qui lui dit à l'oreille en l'embrassant « Prends garde, monsieur est ici ». Lucas se retourna et vit monsieur Ferréor qui parut étonné de cette brusque entrée. Lucas « Monsieur, pardon, monsieur, je viens seulement embrasser mon frère et lui faire la commission de mon père et de ma mère. Me permettez-vous, monsieur, de la faire devant vous et de la faire bien franchement ?» Monsieur Ferréor, « parle, mon ami, et bien sincèrement. J'aime la franchise. » Lucas remercia et fit tout au long la commission de ses parents, sans omettre les injures que s'était dites le père Thomas et les bénédictions du père et de la mère. Gaspard, « monsieur me permet-il de faire la réponse devant lui ?» Monsieur Ferréor, « oui, mon fils, je suis bien aise même de l'entendre. » Gaspard, « dis à nos parents que je les remercie, que je les aime, que je serai toujours leur fils respectueux, mais que rien au monde ne me fera oublier le bienfaiteur généreux qui veut bien mettre le comble à ses bienfaits et à mon bonheur en me donnant le droit de lui consacrer ma vie et mon intelligence. Sa volonté sera la mienne, ses désirs seront ma loi. Va, mon bon Lucas, je t'aime bien, embrasse nos parents pour moi. » Lucas embrassa son frère, salua respectueusement M. Ferréor et sortit. « M. Ferréor, il est bien ce jeune homme, sa physionomie me plaît. « Voyons, mon ami, continuons notre affaire. Il faut tâcher de mettre ton idée à exécution le plus tôt possible. » Ils se mirent au travail. La nouvelle usine que fit bâtir M. Ferréor pour les cuivres et zincs malléables de Gaspard fut modeste, mais jolie. « Nous ne sommes pas encore bien sûrs de notre invention, » dit-il à Gaspard. « Allons doucement, modestement. Si les premières expériences réussissent, nous ferons quelque chose de convenable en rapport avec la grandeur de l'invention. » Gaspard fut chargé de tout diriger dans cette nouvelle entreprise. Il demanda à M. Ferréor de prendre pour aide André, auquel Gaspard avait reconnu une intelligence toute particulière pour tout ce qui concernait la mécanique. Il ne redoutait plus sa concurrence depuis que M. Ferréor avait si magnifiquement récompensé son zèle et son dévouement. Chapitre 18. M. Frolichen reparaît. M. Ferréor suivait avec un vif intérêt les travaux de Gaspard et les perfectionnements de son invention. Il attendait avec impatience l'ouverture de l'usine où on devait faire les premiers essais publics le jour de l'adoption de Gaspard, après s'être assuré qu'il ferait honneur à l'inventeur. Les actes étaient prêts, toutes les formalités de la loi avaient été remplies. « Gaspard, dit un jour M. Ferréor, as-tu prévenu ton père et ta mère ? Il faut qu'ils soient là le jour de ton adoption légale pour signer les actes. » Gaspard, j'attendais les ordres de monsieur. M. Ferréor, va leur dire que ce sera pour mercredi prochain et que tu les engages à dîner ce jour-là. Gaspard, pas moi, monsieur, c'est vous qui invitez. M. Ferréor, c'est toi, mon ami. Tout devient commun entre nous. Tu es mon seul héritier, tu as toute ma confiance, toute mon amitié, et nous fêtons le premier jour de ton autorité. Pendant que je vais jeter un coup d'œil sur les produits de notre dernière invention, va chez ton père. Gaspard, je me ferai remplacer à l'atelier par André, monsieur. Monsieur Ferréor, oui, fais-lui prendre ta place toutes les fois que tu es obligé de t'absenter. S'il mène bien l'atelier, il faudra lui en abandonner la direction complète, comme je l'ai fait pour toi. Gaspard, oui, monsieur, j'exécuterai vos ordres. Gaspard partit pour aller prévenir ses parents. Monsieur Ferréor lui avait dit de prendre son temps, mais, toujours exact et empressé, il ne prit que celui strictement nécessaire pour faire sa commission. Thomas. « Eh bien, Gaspard, à quand la signature définitive ?»« Gaspard, je viens tout juste vous en parler de la part de M. Ferréor. Ce sera pour mercredi prochain à l'usine. Il y aura un grand repas après la première expérience. Vous êtes invité à y assister, ainsi que Lucas. Les usines ont congé ce jour-là. Viendrez-vous, mon père, avec ma mère et Lucas ?» Thomas. « Oui, oui, mon ami, nous viendrons tous les trois. Ah, j'oubliais de te dire que j'ai reçu hier la visite de M. Frolichen. Il a quelque chose de très important à te communiquer. » Gaspard, que peux-tu l'avoir à me dire ? Sa maison est ennemie de la nôtre. Nous cherchons à nous faire tout le mal possible. S'il veut me parler, qu'il vienne chez moi à l'usine. Je ne veux pas le voir hors des usines, comme en cachette de M. Ferréor. » À peine avait-il fini de parler que la porte s'entr'ouvrit et que la tête de M. Frolichen parut. Gaspard se leva pour sortir. M. Frolichen, arrêtez, arrêtez ! Mon cher ami, j'ai une bonne chose à vous offrir. Gaspard, merci, monsieur. Je suis chez monsieur Ferréor. Monsieur Frolichen, je sais bien. Vous avez une réputation à Brézan, et je voudrais bien vous avoir chez moi. Gaspard impatienté, c'est impossible, monsieur, je suis chez monsieur Ferréor. Monsieur Frolichen, mais je le sais bien. Seulement, je vous donnerai si plus que monsieur Ferréor que vous serez drégondant. Gaspard se contenant. « Je suis très content comme je suis, monsieur, et je ne veux pas changer. » Monsieur Frolichen, « Vous aimez mieux perdre ce que je vous donnerai et rester chez ce vieux cricou de Ferréor ?» Gaspard, éclatant, « Allez-vous-en, mauvais drôle, je vous apprendrai à insulter monsieur Ferréor. Hors d'ici, il n'y mettait plus les pieds. » Monsieur Frolichen, stupéfait, voulut répondre, mais Gaspard ne lui en donna pas le temps, il le saisit par les épaules et le mit dehors. Monsieur Frolichen resta à la porte, ne sachant trop ce qu'il devait faire. Il voulait à tout prix avoir Gaspard, dont tout le monde parlait comme du principal directeur des usines Ferréor. Après quelques instants d'incertitude, il se dit « Ce jeune homme a bien fait. Il a défendu son maître. C'est très bien. Il me défendra aussi. Je voudrais bien l'avoir et je l'aurai. » Monsieur Frolichen entr'ouvrit encore la porte. « Mon cher ami, je vous propose une chose superbe. Je vous donnerai ma fille Mina en mariage. Une jolie fille, bien gentille. » La proposition était si ridicule que Gaspard ne put s'empêcher de rire. Monsieur Frolichen rentra, riant aussi. « Vous voulez bien, pas vrai ? Mein God, elle est si gentille, elle vous irait comme un gant. » Gaspard, « Je vous prie, monsieur, si vous avez à me parler, de venir me parler chez moi, à l'usine. J'ai à causer avec mon père. » Monsieur Frolichen ne bougeait pas. « Quel lassement imbécile !» dit Gaspard à mi-voix. Et faisant signe à ses parents, il entra dans la chambre à côté, ils l'y suivirent, ils arrangèrent toute la journée du mercredi. La mère Thomas, « Il n'y a qu'une chose qui me chagrine dans tout ça, Gaspard. C'est qu'en ce jour si important pour toi, il ne soit pas question du bon Dieu. Je voudrais qu'on allât à la messe, tous encore, de suite après l'adoption. » Gaspard, « Vous avez raison, ma mère. J'en parlerai à M. Ferréor. Je vous ferai savoir ce qui aura été convenu. Envoyez-moi Lucas, que je le voie un peu. » Gaspard retourna à l'usine. Arrivé à peu près à moitié chemin, il entendit des pas précipités qui semblaient le poursuivre. Il se retourna, il vit M. Frolichen qui faisait des enjambées énormes et qui cherchait visiblement à l'atteindre. Gaspard hâta le pas, Frolichen accéléra le sien. Gaspard courut, et malgré la poursuite acharnée de M. Frolichen, il parvint à la grille de l'usine avant lui, entra vivement et ferma la porte. Mais M. Frolichen, qui se disait toujours qu'il voulait avoir ce jeune homme, ne se découragea pas encore, il sonna, la porte s'ouvrit, le portier se présenta. « Je veux parler à mon cher ami, Herr Gaspard. »« Bien, monsieur, je vais prévenir. Au reste, voici monsieur lui-même qui arrive. » M. Frolichen se retourna et vit avec effroi M. Ferréor lui-même. « Ah, mein Gott, que vais-je devenir? Mon plus mortel ennemi, mein Gott !» Il chercha à ouvrir la porte, elle était fermée. M. Ferréor approchait, elle avait déjà reconnu. « Ce drôle chez moi, par quel hasard ?»« Mein Gott, mein lieber Gott !» répétait M. Frolichen, courant de droite et de gauche et ne trouvant ni trou ni fente pour sortir de l'enceinte des ateliers. M. Ferréor était entré. Il regardait son ennemi avec des yeux flamboyants, tout en s'amusant de son embarras. M. Ferréor, d'un ton sec, « Que venez-vous faire chez moi, monsieur? Comment avez-vous osé entrer ici ?» M. Frolichen, « Mon respectable seigneur, je suis entré pour demander votre respectable ami, M. Gaspard. » M. Ferréor, « Qu'avez-vous à démêler avec M. Gaspard ?» M. Frolichen, « Mon vénérable seigneur, je venais, je viens, je suis venu pour lui proposer ma fille, Mina, en mariage. Une très gentille demoiselle. » M. Ferréor, « Vous êtes fou? Est-ce que vous croyez que je laisserai Gaspard épouser votre fille ?» M. Frolichen, Partons, partons, estimable monsieur Ferréor. Je voulais avoir la paix avec vous et les vôtres. Monsieur Ferréor, sortez d'ici, monsieur. Vous m'avez déjà volé par surprise ou en corrompant mes ouvriers plusieurs de mes inventions mécaniques. Je ne veux pas que vous mettiez les pieds chez moi. Sortez, vous dis-je. Monsieur Frolichen, respectable monsieur, je voudrais bien sortir, mais je ne peux pas. La porte, il est fermé et je ne puis pas l'ouvrir. Monsieur Ferréor appela le portier qui accourait après avoir été averti par Gaspard qu'un Allemand le demandait. Gaspard, devinant que l'Allemand était son poursuivant, défendit au portier de le laisser entrer. Quand le portier revint, il trouva Monsieur Ferréor en discussion avec Monsieur Frolichen. Monsieur Ferréor, pourquoi avez-vous laissé entrer cet homme? Vous savez que je défends qu'on laisse entrer aucun étranger dans l'enceinte des ateliers. Le portier, monsieur a demandé Monsieur Gaspard, monsieur. « Je croyais qu'il fallait le laisser entrer. »« Monsieur Ferréor, faites vos paquets. Allez recevoir vos gages, ces soivriers, et partez. » Le portier. « Monsieur, veuillez excuser. » « Monsieur Ferréor, taisez-vous et partez. » Monsieur Frolichen tremblait. Le bruit du colloque avait attiré Gaspard, qui croyait reconnaître la voix de Monsieur Ferréor. Il s'approcha. « Monsieur reçoit Monsieur Frolichen ? » dit-il avec surprise. « Monsieur Ferréor, je le chasse, au contraire. Le portier l'a laissé entrer. Il t'avait demandé. » Gaspard, « Monsieur Frolichen, comment avez-vous osé me poursuivre jusqu'ici? Je vous avais défendu de me continuer vos ignobles propositions. » Monsieur Ferréor, « Où l'as-tu vu ? » Gaspard, « Chez mon père, monsieur, où il m'a trouvé, et d'où je l'avais chassé par les épaules, parce qu'il m'avait parlé de vous avec un manque de respect que je ne souffrirais chez personne. » Monsieur Ferréor, « Fais-le sortir, chasse-le. » « Sortez, monsieur !» dit Gaspard en lui ouvrant la grille. Monsieur Frolichen, « Mein Gott, je ne voulais pas faire de mal à personne. Seulement, tenez Mina à monsieur Gaspard. Et puisque vous ne voulez pas et vous me traitez si mal, je vais employer votre secret pour les cuivres et les zincs, et je le fabriquerai et je vous ruinerai. » Monsieur Frolichen était passé déjà de l'autre côté de la grille. Il se sentait en sûreté et il partit enfonçant son chapeau sur sa tête. Monsieur Ferréor, « As-tu entendu ce qu'il a dit, Gaspard ?»« Gaspard, oui, monsieur. Un de nos gens nous a trahis. »« Monsieur Ferréor, qui soupçonnes-tu ?»« Gaspard, soivrier, monsieur, qui nous a aidés dans nos préparations chimiques et qui en a vu le résultat. Il est le seul qui ait pu le connaître et nous trahir. »« Monsieur Ferréor, va le chercher et amène-le-moi dans mon cabinet. Ne lui dis rien. » Monsieur Ferréor, tout ému, alla dans son cabinet et y attendit Gaspard et soivrier. Quand ils entrèrent, Soivrier prit son air riant. « Monsieur me demande, » dit-il. « Monsieur Ferréor, sèchement. Oui, je vous ai fait venir. Êtes-vous content de votre position ici ?» Soivrier. « Très content, monsieur. » « Monsieur Ferréor, de même. Comment vous ai-je traité ?» Soivrier. « Inquiet. Avec beaucoup de bonté, monsieur. » « Monsieur Ferréor, sévèrement. Pourquoi avez-vous trahi ma confiance ?» Soivrier. « Pâlissant. Moi, monsieur, jamais. » Monsieur Ferréor, de même. Je répète, Pourquoi avez-vous trahi ma confiance ? Soivrier, je ne comprends pas, hein, monsieur. Monsieur Ferréor, je viens de voir monsieur Frolichen. Comprenez-vous maintenant ? Soivrier parut atterré et ne répondit pas. Monsieur Ferréor, Gaspard, va me chercher André et Georges. Soivrier tremblait, il était prêt à se trouver mal. Gaspard rentra avec André et Georges. Monsieur Ferréor, prenez cet homme, menez-le dans sa chambre. Aidez-le à faire son paquet, menez-le jusqu'à la grille et chassez-le pour ne le laisser jamais rentrer chez moi. André, veille bien à ce qu'il n'emporte aucun plan, aucun papier, aucun compte. Et toi, Gaspard, reviens recevoir mes ordres. Gaspard ne tarda pas à revenir. Monsieur Ferréor, Gaspard, mon enfant, écrit des lettres d'invitation pour tous les environs, châteaux, mairies, fabriques, envoie des express partout. Écris aujourd'hui même pour hâter l'affaire du brevet d'invention. Ensuite, fais préparer un grand banquet dans les magasins pour tous les invités. Que tout soit bien, qu'on suspende le travail des ateliers, prends le monde dont tu as besoin. Vos ordres seront exécutés, monsieur. À partir de mercredi, plus de monsieur, mon ami. Ton père, je le serai de droit comme je le suis de cœur.